Ben Rigaud, j'en ai une crise de bonne pour toi, man. Est-ce comment tu fais pour savoir si Sinis est venu chez vous pendant que t'es parti? Ben, ils sont plus là, il y a une paille dans le bol, pis ta chienne est enceinte. Sinis, petite crise de gros calme. Yo, hey yo, Sinis, si t'aimes le rap, ben t'es conclu, j'en conclue que je te ferme la trappe. Pis t'es venu blame quand t'as vu que mes lyrics j'ai volé plus vite qu'un morpion, que ça se me puisse d'arrêter ton cul. Sinis, c'est déchu, j'suis déçu de savoir, t'es trop au-dessus de Rego. C'est faux contre les mots d'un jeune flow qui pogne le flux, car j'ai su. Dans ma présence, ta réaction c'est la peur. D'un coup, j'condense, disparu en érection vers l'intérieur. Qui aurait cru que je suis supérieur pour t'infliger une défaite crève, car si la bête est mieux d'essuyer tes pleurs, j'agis en empereur. J'haïs le persécuteur, Sinis, j'te bloque la finale. De l'heure de l'estocade escapade, suivi d'une escalade murale pour une rafale de balles. Verbal, old school, s'écrit la canisse avec ta boîte caniche. Te hante la game finish, Sinis, tu manques de finesse. Fait que je blesse, me laisse à l'aise, puis laisse ta chute affectée, infectée. En grand masse, tes cellules énervées. Just a bit, cause the lyric you spit, I like shit. Coming out of a dog's ass, sound like a pup with no class. Puking on the cell because they smoke too much grass. And don't think I'ma let you pass, sans une claque, j'y ai d'en face, c'est pétasse. Moi j'te place, en attendant ça, on devrait être MC obsolète. J'ai tendance à s'envoyer que t'as pour être laid. Ha, crise de facelette. Puis là tu veux qu'on te respecte, fuck that. T'es une femmelette, une femmelette que je fouette comme les yeux de mon omelette. Des oblettes, de fillettes, d'opérettes, sans poteau à mon texte, ça c'est un fait. Si ça te vexe, crise ma tourne aux oubliettes. Mets ton contexte de goût, me dis que ton sexe une moune. Ton ex une queue, frac, retourne avec si ça peut te rendre heureux. Avoue que c'est ça que tu veux, à genoux, à couper, pousse bien creux. C'est un de tes qui se réalise depuis que t'es fœtus. De mise, ta mère est un sus, ton père te vocalise l'anus. Bling, à coup de prépuce, c'est une minus. Fais face au prochain maître des balles. A.K.A. Rego, que troisième rumble ta Babylone, m'en parle de rhum, qui est hiphopfranco.com. Rego sonne comme bel et mot, mais en somme ça donne que mon ego c'est l'or. Puis contre toi, j'suis ready go power. Moi j'suis mort, man, tu penses que moi j'suis mort? Chris de grand clapiole qui joue à ça, man. Si tu n'es sa marde, tu jappes comme un chihuahua, tu frappes comme un petit gars, pis baise et que tu suces des battes pis t'aimes ça. Fucker! Fucker.